souviens que du nom de ceux qui voulaient nous faire taire pour effacer nos opinions. Nous avions été si fiers et combattu pour du pognon. Cela pourrait des millénaires. On pourrait sur une bronze. Mais voyez-vous comment l'enfance se bat comme les fossiles d'un grand pigeon. De nos ellipses sinusoïdales, je ne veux plus muser pour des cons. Atomes de morceaux de pierre, parfois figés par les cochons, ne rendras-tu jamais une bière avec moi comme compagnon. Qu'on se moque, ouvrons notre haine seul, nous voyons de la grâce sur votre et des doux, il n'y en a plus que de raisons. Passer nos opinions.